Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM. Radio libre depuis 40 ans. Vous voyez, 40 ans de liberté. Il faut le faire quand même, hein. 40 ans de liberté. Et alors, ce soir, bien, c'est Mosaïque. Et je vous propose, bien, de la musique, bien sûr, hein. Et puis, Éric Coquerel nous parlera de respecter l'Assemblée nationale, hein. Et, la vie de famille. Un enregistrement de 1958 de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Ils ont plein de choses à l'INA. Ouais, la télé devrait se servir de plus de l'INA. Et puis les radios aussi. Hein. Alors, 1958, vie d'une famille de mineurs. Alors, ensuite, 1970, les ramasseurs d'obus. Des gens qui ramassaient des obus, des morceaux d'obus, dans les prés, dans les champs, un peu partout. Et ensuite, travailler moins pour vivre plus le moment. Hein. Le moment qu'on vit, et on le vit mieux, plus intensément, si on travaille moins, si on a un peu plus le temps de vivre. Blast, un préfet utilise la loi, pour mater les écolos. Tiens, un préfet utilise la loi pour mater les écolos. Ensuite, à quand la voiture électrique? C'est un reportage de 1968. 1968, on parlait encore de la voiture électrique comme quelque chose de bon, voilà, qui arrivait. Alors, vous allez voir que la voiture électrique, c'est déjà bien ancien. D'ailleurs, je crois que c'est en 1905, le record du monde de vitesse a été battu par une voiture électrique. Les voitures à essence n'allaient pas aussi vite. L'histoire est dans le pré. Ensuite, musique, Juliette Gréco, Le temps des cerises. Hugo Bernalici, Macron n'est plus Jupiter, c'est le parrain. Ah, bon. Ensuite, Éric Coquerel, soutien aux salariés des raffineries. Et puis, bon, une petite revue de presse. Hein. Voilà, bonsoir. Thank you. Cette question s'adresse à Madame la Première ministre. À propos du budget dont nous débattons avec sérieux depuis 10 jours, vous avez annoncé dimanche dans un journal télévisé le recours au 49-3. Vous y estimiez aussi qu'une minorité de grévistes ne pouvait imposer ses vues à un accord soi-disant majoritaire. Je m'oppose à ce point de vue sur le conflit en cours, mais pourquoi ne pas vous appliquer cette logique à vous-même, c'est-à-dire un gouvernement minoritaire qui censure des amendements adoptés par une majorité de l'Assemblée pour imposer un budget antisocial via le 49-3. Vous avez consulté lundi les présidents de groupe de la majorité, puis certains de l'opposition, en ignorant d'autres. Quelle indécence de demander ainsi à l'opposition de légitimer le recours au 49-3 et en laissant en plus de côté d'autres groupes. Comment y voir autre chose qu'une triste, mais vaine, tentative de marchandage ? Là où cela doit se discuter, c'est à l'Assemblée nationale. C'est sous le regard de nos concitoyens. Ils ne s'y trompent d'ailleurs pas. Un sondage atteste que les 2/3 d'entre eux sont contre cet usage du 49-3. Ils ne veulent pas que la taxe sur les superdividendes ou que le reste à charge en EHPAD, majoritairement adopté par les députés, soit arbitrairement effacé et en plus en catimini. Je vous demande donc solennellement, Madame la Première ministre, de ne pas recourir à cet article autoritaire de la Constitution de la Ve République. C'est la marque d'un régime en crise. C'est pour un gouvernement faire preuve d'autoritarisme et avouer sa faiblesse. Priver ainsi l'Assemblée du droit d'exercer la souveraineté populaire par le vote, c'est déroger à une règle précieuse et fragile, celle au fond de la démocratie. Ma question est donc la suivante. Pouvez-vous nous affirmer que vous allez abandonner ce funeste projet, aller jusqu'au bout du débat, mettre au vote un budget, même profondément modifié par les parlementaires ? En un mot, allez-vous respecter l'Assemblée nationale sans la brutaliser par un coup de force de minoritaire ? Palais en Artois, 4 heures du matin. À la cité 14, rue de la Comté, il y a de la lumière. C'est Gisèle Flahaut, la mère de famille, qui est déjà levée. Bougez ! Maintenant, il doit être 4h30 puisque Madame Flahaut vient d'appeler Roger. Roger a 15 ans. Il travaille au fond depuis 2 ans. Il est galibot. Comment ça ? Alors, t'as monté de bonne heure à midi ? Oh, bah, t'es sûr, aujourd'hui est samedi, hein. Puis qu'on a dû les faire un tal. Enfin, vers 1h, 1h30, serait l'autre. Roger ne sera pas de retour avant 13h40. À 5h, un autre fils Flahaut, Henri, se lève à son tour. Il a 18 ans, lui aussi travaille au fond. Je te dirai pourquoi qu'il donne à manger mes pigeons tout à l'heure. Et puis après-midi, s'il fait bio, je vais en mettre un de pierre. Une mâche est surveillée, alors qu'au mieux grand mat série, je vais tâcher d'en avoir un. Je vais essayer d'en gagner un. En face des Flahaut, au 25 de la rue de la Comté, habitent les Delmotte. Madame Delmotte est l'amie de Madame Flahaut. Henri Delmotte travaille dans la même taille qu'Henri Flahaut, au siège 4. D'ailleurs, tous les hommes de la cité travaillent au siège 4. Il se relaie au fond de 8h en 8h. Quand on quitte le jour, comme disent les mineurs, on passe ici, au lavabo, avant de descendre au fond. Comme Henri Flahaut, on laisse là tous ses vêtements, tous ses effets personnels, pour revêtir la tenue uniforme du mineur. On devient un autre homme. À la lampisterie, Henri va prendre sa lampe et sa taillette. Il a touché sa taillette numéro 2658. Henri Delmotte, lui, est devenu le numéro 1174. Celui qui commande la manœuvre de la cage, c'est l'oncle Henri, l'oncle de Roger et d'Henri Flahaut. Il expédie la cage à 706 mètres de fond, à une vitesse de 11 mètres secondes. Voilà le père de famille. Il s'appelle Édouard Flahaut. Tu sais, Henri a été dur à s'élever, hein? Ouais. Oh oui, j'ai crié au moins plus de 10 coups, tu sais. Oh, mais hier, il n'était pas trop bien. Hein? Oui, et puis quand même, t'essayes mal ta fourche, hein? Bah, t'essayes le métier de mineur. C'est dur, hein, le métier de mineur. Vivement, j'ai congé payé, t'essayes. Ouais, ouais, ouais. Puis, il faut espérer que je pétille en pierre. Tu n'iras pas non plus, Rolfos. T'essayes, on va tâcher d'y trouver un autre emploi au chaud, hein? C'est lui, Jean-Pierre, le cinquième enfant. Et voici Nelly, la petite fille. L'aîné, Maurice, descend au fond depuis 7 ans. Mais cette semaine, il est de l'après-midi, il en profite pour dormir un peu. Édouard Flahaut, lui, est du matin cette semaine. Il est machiniste d'extraction, comme son frère, l'oncle Henri. Mais lui est titularisé et son frère ne l'est pas. Ainsi, les deux frères se relaient aux manettes qui actionnent la cage. 700 mètres plus bas, Roger et Henri travaillent. Roger. Hey ! Wesh, maître ! T'entends pas ? Hey ! L'ami Delmotte est abatteur. Le travail dure 8 heures par jour. Une seule interruption à 10 heures pour le briquet, c'est-à-dire le casse-croûte. Delmotte et Henri Flahaut s'y retrouvent. Et de quoi parle-t-il, sinon de pigeons ? Ouais, vous aussi ? Bon, bon. Obligé, hein. Oublie, vous l'avez flotté hier au soir. Hein? Bon, dommage au pigeon. Bah ouais, hein. Ah, on va remettre un de pierre. Surtout si vieux que tu vas remettre. Ah ouais, j'ai tenu des mâmes. Hein. Ouais, elles sont pas fameux. Hein. Nous aussi, j'ai des bons soucis. Ils font mieux de me les dépenser. Bon, non. Vous ne serez pas les jouer. Eh, si, mais si. Bon, non, non. Tu vas encore venir, je te donnerai des jambes. Mais. Parce qu'il faut en avoir l'habitude, hein. Je sais pas jouer. Nous aussi. On me les donne. La poussière de charbon donne quelquefois au casse-croûte un goût amer. Le charbon est partout à brûler. Même à la surface, il flotte dans l'air. Il se dépose dans les jardins et sur les maisons. Les femmes du Nord tiennent beaucoup à la propreté de leur maison, mais elles ont vraiment beaucoup de travail. Autour du siège 6, elles ont renoncé à faire leur lessive en semaine. Le linge est noir en moins d'une heure. On ne peut laver que le dimanche. Les jardins aussi sont recouverts d'une épaisse poussière noire. Il faut rincer la salade dans 5 eaux successives avant que l'eau de rinçage soit claire. Le charbon, c'est à la fois la richesse du pays et son malheur. Quand il se dépose dans les poumons, il donne lieu à une maladie qu'on appelle la silicose. 13 heures. Les mineurs qui étaient du matin remontent à la surface. Leur premier souci est de se laver, de retrouver l'homme qu'ils étaient avec son visage, sa personnalité. Roger Flao redevient lui-même avant de regagner le jour. Madame Flao ne l'a pas attendu pour se mettre à table, car son fils Maurice doit descendre au fond à 2h15. Il va relayer son frère Henri et son ami Delmotte. T'as bien arrêté tard hier au soir? Bah ouais, on a fait du rabion, parce qu'il y a un éboulement, puis un blessé. Je suis blessé, j'ai tout l'installeur et bouteille, là, pour y pulmaner. Puis au moment qu'il y a eu le coup de pression pour l'éboulement, il a laissé 5 pieds entre le bouteille et un étançon. Alors le rembourse en montant, il a reculé le blindé, puis il a coincé 5 pieds. Tu vois qu'il y a 5 pieds tout fracturé, quoi, bien. Enfin, il est tout écrasé. On est peut-être obligé d'y couper. 13h25, Delmotte remonte à la suite. Roger Flao, lui, ne rentrera qu'à 13h40. Pour lui, Madame Flao devra faire un deuxième service de déjeuner. On va prendre un match aujourd'hui. Des frites, un bifteck, une petite salade. À 2h15, Henri rentre à son tour. Ouais, j'arrive. Henri n'est pas pressé de déjeuner. La première chose qu'il fait, c'est d'aller donner à manger à ses pigeons. Viens. Il les connaît tous par leur nom. Viens. Et ses pigeons n'acceptent de grain que de lui seul. Bonjour, maman. Madame Flao devra faire un troisième service de déjeuner. Droite. Ainsi, le fourneau reste toujours allumé du matin au soir chez les Flao. Et ils consomment beaucoup de charbon. Ce sont les houillères qui distribuent à chaque foyer une ration régulière de bois et de charbon. Tout ce qu'on possède vient des houillères. La rue appartient aux houillères, la maison appartient aux houillères, le jardin appartient aux houillères, les deux arts de champ que cultivent les Flao appartiennent aux houillères. Changer de métier signifierait pour les Flao renoncer à leur logement et à leur jardin, quitter leur quartier, leurs amis. On comprend qu'ils y regardent à deux fois. Taille 185, 22e Nord. Maurice travaille en équipe avec Cosmala, qui est délégué syndicat. Chaque mineur est payé en fonction de la tâche à compte. C'est le porion qui décide du salaire qui sera dû à chacun à la fin de la quinzaine. Et t'as bon, là ! Tu vas te faire tuer, là ! Faut-il que j'ai le droit de mettre mes mains, mais le boulot ! Groule ton helmet ! Le 10 et le 25 de chaque mois sont jours de paie. Beaucoup de femmes de mineurs se rendent au siège 4 ces jours-là pour toucher les paies de la famille. Les femmes ne sont pas dépaysées à la mine car elles ont travaillé là autrefois comme trio. C'est là qu'Edouard Flao a rencontré Gisèle pour la première fois. Les mineurs travaillent 48 heures par semaine. Le salaire moyen pour le bassin du Nord et du Pas-de-Calais est de 52 800 francs par mois. En déduisant les charges sociales, on arrive à 48 000 francs net. Mais c'est une moyenne générale. Des galibots comme Roger ou comme Henri sont loin d'atteindre de telles sommes. Par contre, un abatteur comme Delmotte peut gagner entre 56 000 et 69 000 francs par mois de salaire effectif net. Les jours de paye, des marchands ambulants installent leur tréteau à la sortie de la mine. Les mineurs, qui se sont privés depuis plusieurs jours dans l'attente du salaire, sont très tentés de dépenser leur argent ces jours. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup de femmes vont chercher elles-mêmes la paix. La femme gère le budget du foyer, c'est sa fonction propre. C'est elle qui répartit à chacun son argent. Sa quinzaine, Roger touche 500 francs, Henri 600, Maurice 1000, leur père 1500 francs. Salut Mèche, quinzaine Henri, quinzaine Papa, quinzaine Maurice. Ah, chie avec ça, vous aurez les 15 jours. Faut faire attention. Et chacun utilise son argent de poche à sa face. Henri, on est mieux dans sa pigeonnier que le faux, ça. Vous savez que t'as dit. Est-ce que j'ai bien aussi, chie. Visse-le. Le pigeon, pour le mineur, c'est quelque chose de doux, de céleste, qui contraste avec la mine et sa dureté. Les femmes sont un peu jalouses de l'amitié que les hommes portent à leurs pieds. L'oncle Henri aussi et Colombo. Valenbois, le retraité, se passionne aussi pour les pigeons. L'uniformité du coron se répercute jusque dans les loisirs. Tous les samedis, il y a l'enlogement. Édouard Flao apporte dans un panier ses champions, ses favoris, ceux qui vont participer à la course de pigeons voyageurs demain matin. Les colombophiles du quartier se réunissent au cercle Le Ramier du Mineur. Là, chaque pigeon voyageur est dûment enregistré, mis en loge, pour être expédié ensuite dans le sud de la France. Il sera lâché demain matin à 5 heures. La colombophilie, c'est une occasion d'une part de se retrouver, d'autre part de voyager en imagination. La télévision aussi. Les Flao ont la télévision, voisins ont la télévision, l'oncle Henri a la télévision. Les Delmotte ont la télévision, toute la rue a la télévision. 10 heures du soir, la deuxième équipe termine le travail. Maurice Flao remonte à la surface, Cosmala aussi. Le dimanche est le seul jour de repos pour les mineurs. Cosmala et Beugin en profitent pour parler un peu. L'avenir des enfants est leur gros souci. D'après les devoirs de mes garçons, ils travaillent pas mal. Et si ça continue comme ça, je serai content de... Je serai fier, j'en suis déjà, mais... Je voudrais tout de même pas qu'ils soient mineurs, qu'ils fassent n'importe quel métier, mais jamais mineurs. Et le tien, comment ça va maintenant ? Bien, il travaille très bien. Il voudrait continuer ses études pour être instituteur. Alors, je serais très content s'il ne pouvait pas aller à la mine. Parce qu'un métier de mineur, comme en ce moment, il est très dur. Beaucoup d'accidents, silicose et pas beaucoup de sécurité. J'aurais le bonheur de continuer pour être instituteur, serait très heureux. Oui, c'est dur le métier de mineur. Le grand-père Flao est mort il y a 3 ans, s'il y causait à 100%. Il n'a laissé à ses enfants qu'une seule chose, ses pigeons. Il passe de père en fils comme un dépôt familial. L'arrivée des pigeons le dimanche matin suscite une attente passionnée dans tout le quartier. Le bloc arrive. Viens, allez. Allez, viens, bah bon sang, j'étais rat de pomme, on est à côté pour petit. Allez, viens. Oh oui, on va, je ne le mettrai plus là. Non, on n'aurait rien à faire, on était au prochain coffre, le petit. Allez, viens. Ce jour-là, Maurice Flao, lui, va retrouver sa fiancée, Pierrette Baudouin. Ainsi, chaque dimanche, grâce aux pigeons, tout le quartier se trouve réuni et échappe pour quelques heures à la loi exigeante de l'ami. Venu de Godoarsveld, parce qu'il s'étote tous à dire à l'mazan qu'un flamin, un guise d'intermède, y aime badasser au son du cordéon. Qu'est-ce qui s'invite chez une bonne musicienne, je crois au faire un avenir avec un roubaisienne. Alors je suis venu un dimanche à dîner avec ma cordéon pour du lait d'un saint cabaret. Knicker, brokknicker, quand tu voudras prendre du plaisir, un bel chevec, un steak bec, quand tu voudras danser avec, cordéonné, mais surtout des joyeux, soir et matin, je vais danser les gens, cordéonné, mais surtout des joyeux, soir et matin. Écoute-moi bien, formamzelle, qu'est-ce que te voudras choisir à amoureux, te feras jamais un soir plus belle, qu'est-ce que te prendra un bel cordéonneux. D'un homme baissant, qu'avec les affaires brères, je prends mon cordéon et tout de suite le fasse taire. Fin d'une semaine, je vais jamais ouvrir, je gagne pas ma quinzaine à Julien d'un des cabarets. Knicker, brokknicker, quand tu voudras prendre de plaisir, un bel chevec, un steak bec, quand tu voudras dacher avec, cordéonné, mais surtout des joyeux, soir et matin, je vais dacher les gens, cordéonné, mais surtout des joyeux, soir et matin, je vais dacher les gens. Tous les airs de France, je peux demander à tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que j'attends une nouvelle danse? Au poil longtemps, tout de suite aux labrados. Sans son Paris, ou bien des Valenciennes. Oui, je vais dans les dos, et je t'en fais un draguin. Ouais, Caponoul, j'ai ta cormée, quel mieux. J'ai mis plus décoré, tous les cordéonneux. Mais qui est le quand on va prendre de plaisir. se tôt les joyeux, soir et matin, je fais danser les chats, comme Pour vous présenter le reportage qui suit, il est inutile de vous rappeler ce qu'a été la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918. Il faut seulement en rappeler un aspect tout à fait particulier. En effet, dans le triangle formé par les villes de Bapaume, d'Albert et de Péronne, il est tombé pendant les grandes offensives de la Somme 7 tonnes de ferraille au mètre carré. C'est tellement vrai que beaucoup de gens gagnent encore leur vie en ramassant cette ferraille. C'est l'objet du reportage de Louis Doucet. Où est-ce que vous trouvez tout ça, monsieur ? Eh bien, ça se trouve dans les champs. Oui. Et puis, un peu partout, vous savez, il y en a tout partout. Quand on défriche un pré, par exemple, l'année dernière, on a remis un pré en pâture, une grande pâture d'une dizaine d'hectares. Eh bien, on a retrouvé une vingtaine de 150, 210, 220. D'ailleurs, on en a ramassé 3-4 tonnes. Vous récupérez la ferraille depuis combien de temps, M. Turquet ? Ah, ben, depuis après la guerre 14. Hein. Depuis plus de 50 ans ? Ah, à peu près. On a chargé une camionnette hier, puis une camionnette ce matin. Après, on s'en va dans un autre secteur, etc., etc. Ça s'en va dans l'Est par wagon. Oui. Chez Devandel. Vous faites des wagons complets encore de ferraille ? Oui, oui. Et ça, qu'est-ce que c'est, M. Turquet ? Ça, c'est un vieux Pierce à Rome. Qu'est-ce que c'est, un Pierce ? Un Pierce, c'est un camion américain qui provient de la guerre 14. Encore ? Oui. Et puis alors, c'est au moment des labours. Oui. Voyez-vous qu'on fait. Là, c'est la période où on fait le. Les betteraves, là. Oui, etc. Puis la boisson, tout ça. Alors, il n'y a qu'au labour que ça donne. Mais c'est fou ce qu'il y a là-dedans encore. Ah ouais. Par ici, c'est triste. Il y en a encore tout partout. Mais vous en cherchez beaucoup ? Presque tous les jours. Et vous gagnez votre vie ? On gagne nos vies, ouais. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Une sonde. Ça me plaît beaucoup même. Oui ? Oui. Comment ça ? Ben, c'est parce que je trouve... C'est agréable de faire des trouvailles tout partout. Et quel genre de trouvailles ? Des douilles, du cuivre, des cartouches, de tout. Tout ce qu'il y a. C'est tout ce que vous trouvez ? Ben, de tout. Il y a des morts, il y a de tout. Ça a l'air de vous passionner, ça, encore. C'est-à-dire, oui, c'est une passion. Mais beaucoup de gens dans tous ces pays cherchent encore de la ferraille aussi. Ah oui ? Mais oui, ils sortent, les gosses, tous, des femmes, ils cherchent du cuivre, du plomb. Quand ils ont un moment, ils s'en vont dans les champs et puis ils ramassent un peu de plomb. Et ça leur plaît. Vous en ramassez beaucoup ? Ouais, 12, 13 kilos par après-midi. Il vous arrive d'en ramasser 10 kilos dans votre après-midi ? Oui. Mais vous faites de l'argent avec ça ? Bah oui, un peu. Et puis on s'achète aussi des morceaux de cuivre. Oui. Ça dépend. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent ? Moi, comme je collectionne les timbres, j'achète un petit peu de timbres. Et puis j'en place aussi un petit peu sur la caisse d'épargne. Et toi, le grand, là ? Moi, j'achète des habits. Puis je garde un peu d'argent pour les fêtes. Destination que les fabricants d'obus n'avaient certainement pas prévue, mais qui est, à mon avis, beaucoup plus naturelle. Un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin, Tom fera du chagrin, si Tom dort point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un pauvre dintelière, un ami clotant, un petit garçon, qui depuis trois quarts d'heure ne fâche au quai de Brère, tâche de l'endormir par un canchon. Elle lui dit, Jomain Narcisse, demain t'auras du pain épice, du chucagogo, si que t'es sache et que te fais dodo.

suis croyant, mais pas pratiquant de ouf. Et Camille, c'est la seule qui bosse vraiment dans tous les tâches. Faut quand même lui rendre hommage aujourd'hui. Je dis pas qu'écouter des disques de blues en buvant du whisky n'est pas un travail. J'apprécie d'autant plus ce que vous faites que vous me faites peur physiquement. Mais voilà, on travaille beaucoup, beaucoup en France. Alors, on est aidé aussi en France par la technologie. On a du numérique, on est aidé par des machines, comme celle que j'ai vue ce matin au grand salon de l'industrie. Figurez-vous, à Villepinte. Oui, j'étais à Villepinte ce matin. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Hein, désolé de vous en foutre plein la vue comme ça. Voilà, demain peut-être Meudon, Villetaneuse. YOLO, hein, comme on dit, YOLO. Alors j'y suis allé pour parler donc de travail, vous l'avez compris. Et puisque je vous parlais des Belges, commençons par un industriel belge qui se pose des questions. Là, on est chaque fois, nous, en tant qu'industriels, un peu confrontés à des interrogations. Il y a tellement de chômeurs chez nous, mais quand c'est pour les faire travailler, on a du mal, quoi. Hein. Donc là, mais quand vous annoncez que vous travaillez en deux postes, voire trois postes, là, ils s'en courent, hein. Ils s'en quoi ? Ils s'en courent, les jeunes, maintenant. Mais oui, les jeunes s'en courent, hein, maintenant. Ouais. Commencez pas à remplacer notre langue. Il y a suffisamment à dire sur le fond. Non. Ça va partir en fichti, en GSM, en tussaure MPACLCL et toutes ces conneries. On va plus rien piger. Allez, commencez pas à plagier nos plus beaux discours de « les jeunes foutent rien ». Ce que j'ai posé la question. Alors, ça veut dire que la Belgique, c'est un peuple de feignasses ? On peut le dire comme ça, oui. Bon, les jeunes, maintenant, bon, c'est leur confort avant et après, ben... Ils sont trop bien payés au chômage. Ou alors, ils ne sont pas assez bien payés dans l'industrie. Non. Bon, je tentais le coup quand même. Hein, voilà. Parce que des fois, on se demande pourquoi ceux qui se sont endettés pour faire des études, ils ne veulent pas être payés au SMIC. Bon, si ça se trouve, c'est une question d'argent. Hein. Vous savez comment sont les jeunes? Ils aiment la moulaga. La moulaga, comme disent les vieux qui veulent faire croire qu'ils ne le sont pas. Comme Alex quand il dit Jones. Pourtant, d'ailleurs, des Jones qui bossent dans l'industrie, j'en ai rencontré ce matin. On développe donc une solution PLM Cloud pour les entreprises industrielles, qui est simple d'utilisation et rapide à déployer. PLM Cloud ? Un PLM Cloud, exactement. Qu'est-ce que c'est exactement, là ? Alors, PLM, ça signifie Product Lifecycle Management. Bon, moi, je savais, mais voilà, je pense aux gens qui nous écoutent, qui sont profs de français à la retraite et qui viennent donc de faire une mini descente d'organes, hein, bien évidemment. Et c'est ça aussi l'industrie du futur, c'est que tout va plus vite. Écoutez, cette entreprise qui avant, sans numérique, mettait 5 heures à faire une tâche. On a réduit ces 5 heures à moins de 5 minutes. Ah ouais. On envoie l'offre directement, on a un moteur de génération de PDF qui permet aux clients, sous une semaine, de pouvoir signer son offre et de la remonter automatiquement à l'ERP pour déclencher la fabrication de la machine, des pièces, les commandes, automatiser toute cette partie-là. Est-ce que comme ça facilite le travail, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler moins longtemps ? Non. Bon, voilà, je pose des questions. Hein. Moi, je me disais, comme ça remplace de la main-d'œuvre, on peut peut-être, pendant ce temps-là, glander, en profiter pour glander ou profiter de la vie. Hein, ce que les techniciens de France Inter appellent un jour de travail normal, finalement. Voilà. Et bien, figurez-vous que non, les machines ne servent pas à ça. Non, là, elles nous servent à mieux travailler. Ouais, mais nous, on voulait moins travailler. Ah, bah, ça, pour le coup. Quand une machine remplace 4 ou 5 ouvriers, est-ce que. Je ne pense pas qu'un robot va remplacer 5 personnes sur la chaîne. Bah, est-ce que c'est pas déjà le cas ? Je ne me suis jamais réellement posé la question. Bah, oui. Faudrait. Ça vaudrait peut-être le coup de se la poser. La réponse peut être surprenante. En plus, une machine, ça ne fait pas grève. Il n'y a pas de CGT machines qui font des merguez numériques. Voilà. Si ça se trouve, c'est ça que les patrons, ils aiment bien. Moi, je pose juste des questions. Je pose ça là, comme on dit sur les internets. Et je me disais, si une machine remplace le travail de 5 humains, est-ce qu'on répartirait pas le travail restant et qu'est-ce s'appelle Rio, le progrès, finalement. C'est une question comme ça, je la pose là. Tiens, je suis retourné voir notre ami belge. Alors, est-ce qu'une machine remplace pas les gens ? Non. Mais quand même, là, ça remplace les gens. Enfin, vous avez besoin de moins de personnel. Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Alors, ça veut dire que les machines ne servent pas à grand-chose, hein ? Si, parce que comme les machines vont de plus en plus vite, mais ça permet de faire beaucoup plus de travail que ce qu'on faisait par avant. Mais est-ce qu'on a besoin de produire autant de trucs et de machins ? On surfe sur cette voie-là. Eh ben, surfons. Allez, surfons. On prend notre petite planche et puis on y va. On surfe sur l'industrie, le PIB, la croissance infinie. Voilà. Noyons-nous dans le boulot. Fabriquons toujours plus de conneries. Surfons cette vague avant qu'on se la prenne en pleine gueule. Merci Guillaume Meurice avec ce magnifique extrait qui finira peut-être un jour dans une chronique de Laurence Bibot. Parce que... La lutte contre les séparatismes, à la veille de la présentation du texte en Conseil des ministres, nous sommes en mesure de vous confirmer les principales pistes retenues par le gouvernement. Les associations, elles, seront plus strictement encadrées. Pour obtenir des subventions, elles devront signer un contrat d'engagement républicain. Un festival citoyen voulait proposer des solutions face aux enjeux sociaux et environnementaux. Il y avait un atelier de désobéissance civile. Quand un préfet propose de leur couper les subventions au nom du non-respect du contrat d'engagement républicain, eh bien, je crois que c'est une atteinte extrêmement grave aux libertés fondamentales d'expression. La République, c'est pas n'importe quoi, n'importe où, avec l'argent public. Voilà. On se dit que c'est un peu la continuité de ce qui se passe depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, finalement, et de cette espèce de façon de traiter la mobilisation citoyenne et les associations, surtout quand elles sont un peu critiques, en ennemis. Les écolos ont-ils fait sécession avec la République française ? En tout cas, c'est ce qu'a l'air de penser le préfet de la Vienne. La semaine dernière, Jean-Marie Girier, c'est son nom, a demandé officiellement à la ville de Poitiers de retirer une partie des subventions accordées à une association de défense de l'environnement, Alternatiba. La raison ? Celle-ci ne respecterait pas le contrat d'engagement républicain qu'elle a passé avec l'État. L'affaire est en train de virer au bras de fer entre la mairie et la préfecture. Alors, de quoi parlons-nous ? C'est quoi un contrat d'engagement républicain ? Quelle mouche a piqué le préfet de la Vienne ? On fait le point tout de suite. Notre histoire commence le 18 septembre dernier. Pour la deuxième année, Alternatiba organisait le village des alternatives, rassemblement familial proposant divers ateliers. Eh ben, on construit des maisons à partir de bottes de paille. Depuis quelque temps, on est sur la cuisson solaire et ben, on vient de mettre un gâteau aux pommes à cuire. Se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer et résister. C'est ce dernier thème qui a provoqué la colère du préfet, puisqu'à cette occasion, des ateliers de désobéissance civile ont eu lieu. Intolérable pour Jean-Marie Girier, qui envoie alors deux courriers à la mairie de Poitiers et à la communauté d'agglomération afin de leur demander de retirer tout ou partie de leur subvention. On parle de 10 000 euros. À Alternatiba, on tombe des nues. Marie Cohuet, sa porte-parole, décrit des ateliers bien inoffensifs. Il y a une réaction un peu de, je sais pas, de choc et de surprise. Parce que ça vise un village qui est un village plutôt familial, qui attire des milliers de personnes qui viennent finalement se former à différentes thématiques sociales, écologiques, sur des thèmes comme se loger, se nourrir, habiter et aussi résister. Donc il y avait effectivement une partie du village qui était consacrée à ça. Parce qu'il consistait en quoi cet atelier ? C'est l'endroit où vous apprenez à fabriquer des bombes ? C'est un atelier hyper dangereux où effectivement on apprend aux gens ce que c'est la désobéissance civile. Donc en fait, on commence par rappeler les grands principes de la désobéissance civile, d'où ça vient, donner des exemples historiques. Gandhi, voilà, Martin Luther King. Exactement, leur donner ce type d'exemple. Le manifeste des 343 en France, enfin voilà, énormément de choses. Et ensuite, on leur apprend comment, quand nous, on passe à l'action, on se comporte, ce qui peut se passer en cas d'arrestation, quels sont les droits auxquels on a le droit comme citoyen quand on est confronté à ce genre de choses. Donc, il y avait une première partie de cet atelier qui consistait en ça, et une seconde qui était ce qu'on appelle une simulation, où là, les gens mettent en pratique ce qu'ils viennent d'apprendre et vont simuler. Alors là, je crois que c'était l'accrochage d'une pancarte devant une enseigne qui pratiquerait du greenwashing. D'accord, c'est scotcher une pancarte ou une banderole au mur. Voilà, absolument. Donc quelque chose d'extrêmement subversif. En fait, on apprend comment est-ce que la désobéissance civile, ça peut être une des cordes à l'arc du citoyen quand on a besoin d'avancer les droits sociaux, d'avancer les droits sur les questions de l'environnement, et en fait, de comment on met ça en pratique et de comment est-ce qu'on peut faire ça de manière collective en se mettant en sécurité et en réagissant bien quand on est dans des situations d'arrestation. Alors, que disent ces courriers exactement ? Le préfet explique que les ateliers de désobéissance civile prévus lors de l'événement organisé par Alternatiba Poitiers sont manifestement incompatibles avec le contrat d'engagement républicain présumé souscrit par l'association, considérant qu'ils inciteraient à un refus assumé et public de respecter les lois et règlements. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat d'engagement républicain ? C'est une disposition de la loi séparatisme de juillet 2021. Rappelez-vous. C'était la loi présentée par Gérald Darmanin comme un outil pour lutter contre l'islam radical et le prosélytisme de certaines associations. Un projet de loi visant, je cite, à renforcer la laïcité et conforter les principes républicains. Le principe du contrat d'engagement républicain lui-même est adopté par décret le 31 décembre 2021. Son principe, c'est que les associations bénéficiant d'un financement public doivent respecter une charte et agir dans un esprit de fraternité, de civisme, ne pas provoquer à la haine et la violence et n'inciter à aucune action contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles. C'est à la fois très large et très vague comme notion. Le 20 septembre, en commission des lois, la députée Elsa Faucillon interpelle le ministre de l'Intérieur à propos de l'initiative de son préfet. Voici leur échange. La semaine dernière, au village des Alternatives, un festival citoyen voulait proposer des solutions face aux enjeux sociaux et environnementaux. Il y avait un atelier de désobéissance civile. Chacun ici a le droit de ne pas être d'accord avec ça. La question, en revanche, c'est que quand un préfet propose de leur couper les subventions au nom du non-respect du contrat d'engagement républicain, eh bien, je crois que c'est une atteinte extrêmement grave aux libertés fondamentales d'expression et d'association. C'est à bon compte que le préfet de la Vienne fait son travail de préfet de la Vienne. Et il a parfaitement raison. Et il a pris cette initiative quand il a vu les choses qui se passaient sur le territoire qu'il a à administrer au nom de la République. Et je le soutiens, Monsieur le Président de la Commission en est élu, il pourra, s'il veut, s'exprimer, mais je le soutiens parfaitement. La République, c'est pas n'importe quoi, n'importe où, avec l'argent public. Voilà. Gérald Darmanin, à l'origine de la loi séparatisme, soutient donc le préfet et l'utilisation qu'il fait de sa propre loi. Mais son explication n'a pas convaincu la députée communiste. Moi, ça me rappelle ce qui avait fait suite au régime d'état d'urgence successif, tout de suite après les attentats, où on avait vu que très rapidement, les militants écolos avaient été la cible de perquisitions, d'assignations à résidence. Et c'est là-dessus qu'on s'était appuyé quand on avait dénoncé les dangers que pouvait représenter la loi séparatisme. Cet acte-là du préfet Girier, il ne faut pas le laisser passer, parce que il est un premier acte après la loi séparatisme qui illustre combien on est dans ce régime très, très sécuritaire, au bon vouloir, et qui renvoie aux marges toujours celles et ceux qui contestent. À l'époque, beaucoup s'étaient émus du risque que cette loi faisait peser sur les associations, en particulier celles qui déplaisent au pouvoir. Dans son avis rendu le 4 février dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme alertait elle aussi les parlementaires sur un texte qui risque de fragiliser les principes républicains au lieu de les conforter. Un an plus tard, nous sommes face au premier cas concret. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hélas, pour le préfet, Poitiers est dirigé par Léonore Mauconduit d'Europe Écologie Les Verts. Celle-ci soutient Alternatiba. Réponse de la bergère au berger. Je ne partage pas votre interprétation des règles de cette loi. En l'espèce, rien ne laissait présager de troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publique, ou d'incitation au non-respect des lois de la République. Les conditions dans lesquelles s'est tenue la manifestation ont d'ailleurs démontré qu'il n'en était rien. Heureusement, ça finit quand même par « expression de mes respectueuses salutations ». Face à cette réponse, le préfet envisage de saisir la justice. Tout ça risque de se finir devant le tribunal administratif. Contacté, la préfecture de la Vienne n'a pas donné suite à notre proposition d'interview. Mais un mot encore sur Jean-Marie Girier lui-même. Il ne s'agit pas vraiment d'un préfet lambda, ancien du PS, enfin intendant Gérard Collomb, et membre d'En Marche, c'est un proche, très proche d'Emmanuel Macron. Il a même été directeur de la campagne du futur président en 2017. Regardez, c'est lui au premier rang qui monte les marches de l'Élysée avec la garde rapprochée macroniste. Ensuite, il est passé par le ministère de l'Intérieur et a été directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, avant de devenir préfet en 2020. Bref, c'est un pur produit du macronisme. Quelle que soit la conclusion de cette affaire, la survie d'Alternatiba à Poitiers n'est pas en jeu. Cependant, c'est un premier cas concret d'application de la loi séparatisme et c'est très inquiétant. Comme pour les diverses lois sécuritaires qui ont fleuri ces dernières années à l'ombre des attentats terroristes et du Covid, les associations ont crié au loup et elles avaient bien raison. Ce qui est présenté comme un progrès pour la sécurité des Français finit invariablement par devenir un outil de surveillance, voire de répression, contre les organisations qui déplaisent au pouvoir. Aujourd'hui les écolos, demain, qui sait? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner en activant la cloche. Et surtout, si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. Votre soutien est le seul garant de notre indépendance. À très bientôt. Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie d'une ombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanche et très belle statue de la douce Immaculée Conception, je sentis la foi naître et au fond de mon être du Seigneur Jésus corrige la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse et désormais mon existence vaut la peine d'être vécue dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je chante, pour moi la vie n'est plus méchante et de joie je suis éperdue dans les bras de Jésus. Vous ne la connaissez pas? Elle est pourtant en circulation depuis 1942. C'est l'œuf électrique de Paul Arzens. Paul Arzens, le père des locomotrices BB et CC de la SNCF. Pour les villes, certainement, que là, l'attraction électrique doit son avantage à son, sa propreté, à son côté pratique, puisque tous les éléments, tous les instruments ménagers sont aujourd'hui électriques. Une voiture peut être considérée comme également un instrument ménager. Si cette voiture électrique est, comme on peut le supposer, une voiture de petit gabarit, car je crois que l'on n'a pas envisagé de faire d'énormes véhicules, et elle aura un autre avantage, c'est d'amener dans la circulation des petits véhicules d'un gabarit plus facile à garer, à ranger, et que bien entendu, comme l'espace à Paris est très, hélas, très limité, comme nous comptons qu'il y a à peu près 240 000 places tout le long de la voirie parisienne, il est certain que si vous amenez une voiture qui fait la moitié de l'espace normal des voitures actuelles, on pourra en ranger deux fois plus. Moi, je trouve que ce serait formidable, tout simplement. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça serait bon pour le métier. La voiture électrique, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple. Les débuts de la voiture électrique coïncident avec ceux de l'histoire automobile. La première fut la Gento en 1894. Il y eut aussi des modèles spéciaux comme celui du Grand-Duc Nicolas, puis des véhicules utilitaires, des auto-écoles, celles des chauffeurs de taxi parisiens entre autres, et bien entendu, il arrivait parfois des accidents. Mais de toutes ces voitures, la plus luxueuse fut sans doute la Krieger, Rolls-Royce des automobiles électriques et première traction avant de l'histoire de l'automobile. La compétition à son tour s'empara de l'électricité, avec Gento encore. Il y a eu une bataille infernale à la fin du 19e siècle pour leur record du monde de vitesse. Ils se battaient régulièrement, ils se sont battus, je crois, leur record 4 fois en quelques mois. Finalement, Genazzi a triomphé. En effet, à Acher, en 1899, le coureur belge Camille Genazzi au volant de la Jamais Contente s'adjugeait le record du monde de vitesse avec 105 km/h. Ça a duré jusqu'à quand ? Ça a duré jusqu'à 1904-1905. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Il y avait plusieurs raisons, mais je crois que la principale, il faut faire appel à Freud. C'était pas viril. Le possesseur de voiture en 1900, c'est le même que celui qu'aujourd'hui est une Ferrari, une Maserati, une Lamborghini. Alors une voiture, c'était viril, c'était pour se déplacer, c'était pour plaire. Une voiture électrique, c'était silencieux, c'était tranquille. Alors qu'une voiture à essence, ça faisait du bruit, ça sentait mauvais. Et puis le mâle mettait en route à la manivelle. Alors voilà, je crois que c'est ça la vérité. En 1940, la guerre, les restrictions. Plus d'essence. Les voitures électriques réapparaissent. Krieger équipe des châssis licornes. Peugeot sort la voiture légère de ville. L'ingénieur Grégoire, lui, construit des véhicules de record. J'ai donc fait cette voiture de record qui est au musée du Mans. 450 kg de poids de voiture à vide, ce qui est faible. Et tenez-vous bien, 750 kg d'accumulateur là-dessus. La performance officielle a été la suivante. Je suis parti un matin de Paris avec M. Delperou, contrôleur de l'Automobile Club de France. Et j'ai été plus loin que Tours d'une seule traite. J'ai fait 250 km contrôlés officiellement à 43 de moyenne. Ce qui n'avait jamais été fait et ce qui n'a toujours jamais été égalé. Sans charger les accus. Sans charger les accus, bien entendu. Après la guerre, la traction électrique est abandonnée sauf en Grande-Bretagne, où il roule actuellement 55 000 véhicules électriques, principalement utilisés pour le service domestique. Une fois le courrier distribué, le pain et le lait livrés à domicile, les véhicules reviennent à leur tour s'abreuver de courant. Ils sont ainsi des centaines à assurer leur service quotidien dans les grandes villes britanniques, où ils constituent des éléments indispensables au confort et à la commodité de la vie ménagère. Cette même commodité, l'usager anglais l'attend des différents prototypes qui lui sont actuellement proposés. Mention particulière pour la Ford Commuta dont le nom signifie navette. C'est presque la voiture urbaine idéale. Longueur, 2,20 m. Capacité, 2 adultes et 2 enfants. Vitesse moyenne, 60 km/h. Rayon d'action, 100 km. Aujourd'hui en France, la traction électrique se limite pratiquement à ces autocars à double commande que l'on peut emprunter sur les aéroports de Marignane ou d'Orly. Mais les grands constructeurs s'intéressent au problème. Renault s'intéresse depuis longtemps aux véhicules électriques, mais plus particulièrement depuis 3 ou 4 ans, sont apparues des piles à combustible fonctionnant à basse température et susceptibles d'être montées à bord de véhicules. Notre accord avec le groupement comprenant la CSF, l'IFP et le Carbone Lorraine a pour objet l'étude d'une telle pile d'une puissance de 24 kW. Dans l'immédiat, comme il s'agit de mettre au point des techniques nouvelles, nous allons réaliser un véhicule estafette qui nous permettra, lorsque nous maîtriserons les techniques, de pouvoir monter soit à des puissances plus élevées, éventuellement pour des véhicules du type grand routier, ou bien au contraire de redescendre à des véhicules plus petits, type urbain. La voiture électrique surtout avec la formule de la pile à combustible, nous intéresse. Nous croyons que c'est une des formules possibles de l'avenir. Dans la mesure où nous croyons que c'est une formule possible de l'avenir, notre service de recherche, le bureau d'études, y travaille. Dans la mesure où le bureau d'études y travaille, je ne peux pas vous en parler. Les automobiles Peugeot et Alstom ont signé un contrat en 1967 pour l'étude de la réalisation de piles à combustible. Ce contrat vise essentiellement les piles à combustible qui pourraient faire l'objet d'une adaptation sur des véhicules à propulsion électrique. Les piles à combustible, elles ont étudié dans ce laboratoire où pour la première fois pénètrent des caméras de télévision. Les éléments ultralégers qui les constituent sont destinés à remplacer les accus traditionnels dont le poids et l'encombrement ont entravé jusqu'ici le développement des voitures électriques. Une pile à combustible est un dispositif nouveau et on peut dire révolutionnaire. Il permet de transformer directement l'énergie chimique d'un combustible en énergie électrique. Une pile, vous voyez, est alimentée continuellement par un réservoir de combustible. Elle fonctionne tant qu'il y a le combustible dans le réservoir. Pour la propulsion d'automobile, nous pensons que le combustible intéressant est le méthanol, qui au fond n'est autre que l'alcool à brûler. Les avantages de la pile à combustible. Les avantages de la combustible sont très nombreux. Tout d'abord, on peut remarquer que c'est un dispositif statique, c'est-à-dire il ne bouge pas. Il n'y a pas de partie qui vibre, qui tourne. Par conséquent, il ne provoque pas de bruit. Nos piles, qui sont dues aux conceptions originales de M. Warshawski, sont extrêmement légères et compactes. Nous sommes de très loin en avance par rapport aux autres constructeurs sur le plan mondial. Vous voyez une telle pile, elle fait plusieurs kilowatts. Elle pèse quelques kilos à peine. C'est donc extrêmement léger et très compact. Si vous la comparez par rapport à une même puissance, à un accumulateur, un tel accumulateur pèsera à peu près 200 kilos. On ne peut même pas le soulever. Vous voyez, la différence est énorme. C'est un des grands avantages de nos piles. Quel serait le volume d'une pile pour une 6 chevaux actuelle? Eh bien, pour une 6 chevaux actuelle, c'est-à-dire 6 chevaux fiscaux, autrement dit une trentaine de chevaux réels, nous comptons qu'il faudrait une pile qui pèserait environ 40 à 50 kilos. Elle est par conséquent très compétitive par rapport au poids, à l'encombrement des moteurs à explosion. Est-ce que vous pensez que cette propulsion par pile à combustible se fera assez rapidement? Je pense qu'elle peut se faire rapidement puisque, comme vous le savez, des véhicules expérimentaux à pile à combustible existent déjà un peu partout dans le monde. Mais je pense également qu'il faut distinguer véhicules expérimentaux et véhicules mis à disposition du public. Pour ce qui est des véhicules mis à la disposition du public, je ne pense pas que des véhicules à pile à combustible seront vraiment vendus avant 1975. Pour l'heure, chacun de nous connaît ces longues files de voitures, trop grandes, trop vides, inappropriées au trafic urbain. C'est l'univers concentrationnaire de l'automobiliste où s'échangent insultes et coups, où parfois l'énervement conduit jusqu'au meurtre. Pourtant, sans trop rêver, on peut espérer que demain, la voiture électrique apportera un remède à tout cela. Fabriquée à une grande échelle, elle pourrait être la seconde voiture idéale. Une voiture dont il ne serait pas nécessaire d'être propriétaire. Dans des stations-service spécialisées, l'échange de véhicules se ferait instantanément sur simple présentation d'une carte d'abonnement. Véhicule urbain dans un proche avenir, rien n'empêche de penser que la voiture électrique pourra devenir une grande routière. Un

Parce que normalement, il y en a tout le temps qui gaulent du pognon, on dit « Oh, il est parti avec la caisse ». Normalement, on n'a pas le droit de piquer dans l'État. C'est écrit dans la constipation de 1958. « On y soit qui manigance ». Mais les mecs, tu penses, une fois qu'ils sont là, hein, on dit « Ah bah, au lieu de mettre des crédits pour les écoles, ils en font pour les prisons, tu parles ». Quand t'es ministre, il y a un truc que t'es sûr, c'est que tu retourneras pas à l'école. Hein. Tandis qu'en prison, faut voir. Dans l'Aisne, sur le chemin des Dames, Crane est un petit village depuis longtemps spécialisé dans l'agriculture. La Première Guerre mondiale a profondément impacté l'environnement, bouleversant le quotidien des habitants. Aujourd'hui encore, ils doivent faire face à de nombreuses difficultés, héritage de la guerre. Noël Janteur est l'un d'eux. C'est une histoire agraire, donc essentiellement attachée à l'agriculture et à la forêt. Grand-père me disait, dès qu'il y avait un petit caillou, dès qu'il y avait une petite pierre, dès qu'il y avait une anomalie, on la ramassait, on la mettait sur le côté. Donc la terre, c'était du velours. Mais la guerre arrive et le village de Craon, situé sur le front, est entièrement détruit. Les sols aussi sont ravagés. Certaines zones, appelées zones rouges, n'ont toujours pas été réhabilitées pour l'activité humaine. Ainsi, des morceaux de barbelés sont parfois avalés par le bétail et chaque année, Noël perd une de ses bêtes. À cause de ces résidus, les animaux se blessent régulièrement. La sylviculture rencontre aussi des problèmes. Des éclats d'obus sont incrustés dans les troncs d'arbres, empêchant l'exploitation du bois. L'impact de la guerre a été terrible à cet endroit-là. Si bien qu'avec les moyens techniques qu'on avait et humains qu'on avait après la guerre, les autorités ont jugé qu'on ne pourrait pas remettre en état. Et que c'était des zones dangereuses, parce qu'il y a encore des munitions partout. Hein. Quand je dis munitions, ça veut dire des obus, soit qui sont stockés, qui ne sont pas amorcés, soit qui ont été tirés et qui n'ont pas explosé. Oui, aujourd'hui, ce serait très difficile à remettre en état du fait de la dégradation des barbelés, de tous les résidus de guerre qui commencent à se dissoudre dans la terre. Les souvenirs de guerre affectent donc encore le travail des agriculteurs et des éleveurs. Et beaucoup de terres sont devenues incultivables. Un 210 allemand, par exemple, ou un 155 français qui tombe là-dessus, il va vous faire un trou de 2 mètres, 2 mètres 50, il va vous mélanger la pierre avec la terre et puis tout ça. Donc voilà. Nous, après, on a nivelé, les gens ont nivelé, on a remis en état. Mais vous voyez, toutes les pierres-là, ça n'existait pas avant la guerre 14. Il n'y avait pas de pierres comme ça, quoi. Lorsque vous avez un grand éclat d'obus qui arrive dans les machines, qui bloque les chaînes et trucs comme ça, ben, ça casse tout, quoi. Donc vous perdez une demi-journée à réparer. La reconstruction des drainages détruits par la guerre aurait des coûts beaucoup trop lourds. Pourtant, la nature argileuse du sol nécessiterait un réel réaménagement afin de préserver les cultures. Ça, c'est l'exemple type d'une conséquence de la Première Guerre mondiale qui n'a pas encore été rattrapée depuis la guerre, depuis 100 ans. Vous voyez, on n'a pas encore eu le temps de le faire. Cette zone-là, vous voyez, elle est impropre pratiquement à la culture. Et on y reste collé, quoi. Vous voyez, les outils sont restés plantés dedans. Et on laisse la récolte. Noël reste cependant optimiste. La guerre, violente, a certes tout détruit, mais la force de la nature et la bonne conscience humaine montrent que tout espoir n'est pas perdu. On s'aperçoit qu'un 100 ans après, ce sont dans la Picardie les zones les plus riches sur le plan de la biodiversité. C'est les zones les plus riches, que ce soit au niveau des végétaux que comme au niveau des animaux. Du fait qu'on est revenu beaucoup moins nombreux, donc il y a eu moins de pression de la part de la civilisation aussi. Donc quand on connaît les documents photographiques de l'époque après la guerre, sur ce lieu-là, où tout est dévasté, il n'y a plus un arbre debout. Il y a même des photos où on ne voit même pas un brin d'herbe, quoi. Le village est complètement rasé, on ne voit même plus de village, on ne voit plus rien du tout. On voit que des bosses et des creux, comme si on avait un paysage lunaire, voyez. Donc quand on voit ça, et qu'on voit maintenant, quand on voit ces documents-là, et qu'on voit maintenant ce qu'on a sous les yeux qui sont le même endroit, on est quand même surpris de la capacité de la nature à reprendre le dessus et aussi des hommes à travailler. Parce que bien sûr, la nature a fait beaucoup de boulot. Sans elle, on ne peut rien faire, surtout dans un espace rural et puis dans un espace naturel comme celui-là. Mais il faut voir derrière qu'il y a aussi énormément de travail des hommes. Je pense que c'est ça le plus beau miracle, entre guillemets, de l'après-guerre et du XXe siècle. Ces sols-là ont été reconquis par la nature. C'est un petit paradis, quoi. Noël nous amène à la réflexion. Les hommes seront-ils prêts à faire des compromis et cesser de perdre leur énergie dans des conflits dénués de sens ? Quand nous chanterons le temps des cerises et guerres signales et mères de cœur seront tous en fête. les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle. Il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant les pendants. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez le belle. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne mourrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. À Monsieur Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première Ministre, une question se pose. Quels sont les points communs entre les affaires Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et l'affaire Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice? Alors, je vous remercie. Monsieur Olivier Dussopt, porte-parole du gouvernement. Monsieur le député Bernalicis, j'aime beaucoup les devinettes, mais ici c'est le Parlement. On est sérieux, je vous laisse poser votre question, j'y répondrai avec plaisir juste après. Monsieur Bernalicis. Oui, je sens une gêne et un petit flottement sur les bancs du gouvernement, et c'est normal, parce qu'il y a deux points communs. Le premier, c'est l'incrimination, la prise illégale d'intérêt. C'est une infraction particulière, car c'est la situation de pouvoir de ces deux personnes qui ont permis la réalisation de l'infraction. L'un pour favoriser sa famille à la tête du croisiériste MSC, l'autre pour interférer dans des affaires judiciaires en cours sur fond de règlement de comptes personnels. Et c'est aussi un problème politique, et pas seulement judiciaire, car en restant en poste, ils peuvent à nouveau commettre les mêmes délits d'atteinte à la probité desquels ils sont accusés. Le deuxième point commun n'est nul autre que le monarque présidentiel Emmanuel Macron lui-même. Lui est irresponsable pénalement, mais pas ses proches, qu'il couvre désormais, révélant une confusion des fonctions et une dérive mafieuse du pouvoir. Quel scandale ! Jamais un garde des Sceaux n'avait été renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République tout en étant encore en fonction. Jamais un secrétaire général de l'Élysée n'avait été mis en examen alors que le président en exercice lui-même avait versé au dossier judiciaire un document pour dédouaner son subordonné. Pourtant, en 2017, le candidat Macron faisait de son engagement en politique une promesse de changement dans les pratiques, une promesse de tourner la page du temps où l'on pouvait en toute impunité utiliser les moyens de l'État à des fins privées. Le Macron de 2022, président des riches, se révèle être un oligarque mêlé aux intérêts financiers. Ce n'est plus Jupiter, c'est le parrain. 40 affaires

Et notre invité politique ce matin, c'est Rico Crelle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest-France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. Rico Crelle, on commence évidemment par la crise des carburants et Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé hier soir sur ce sujet, promettant un retour à la normale dans la semaine qui vient. Qu'en pensez-vous? Vous y croyez? Si le gouvernement persiste à être du côté des raffineurs plutôt que du côté des salariés qui demandent une juste répartition des bénéfices pharaoniques accumulés par Total & Co, ça va être compliqué. Parce que là, actuellement, j'allais dire que les salariés ne font finalement qu'appliquer ce que Bruno Le Maire, Madame Borne ont demandé depuis des mois. Ils ont dit qu'il faudrait que les salaires augmentent. Nous demandons que les salaires augmentent. Nous sommes sûrs que les groupes qui font des bénéfices historiques vont finir par augmenter les salaires. Ils ne l'ont jamais fait. C'est ça la situation actuelle. Les salariés ne font que réclamer une part normale des bénéfices accumulés par Total. Alors, donc le gouvernement devrait d'ailleurs les appuyer parce que c'est eux qui sont efficaces. Chez Esso, il y a eu un accord, majoritaire qui n'a pas été signé par la CGT et donc la CGT continue de bloquer. Est-ce que vous trouvez ça normal que malgré l'accord, la CGT continue de bloquer? Normal que le droit de grève existe en France, oui. Non, mais que malgré un accord, la signature d'un accord majoritaire. Un accord majoritaire ne veut pas dire que. On siffle pas la fin du match comme ça. Les syndicats, et pas seulement les syndicats, les salariés, parce que je vous fais remarquer que si les occupations non seulement continuent, mais même se développent, estiment que l'accord qui a été trouvé n'est pas suffisant par rapport justement à cette répartition nécessaire des bénéfices de Total. Mais là, ça donc, remet un peu en cause la représentation syndicale. Si des syndicats signent un accord majoritaire et que les salariés continuent à grève. Un accord majoritaire n'a jamais signifié, si les salariés ne sont pas satisfaits et ne se reconnaissent pas dans cet accord, que vous sifflez la fin de la grève. Là, aujourd'hui, c'est pas quelques euros qui doivent être distribués aux salariés. Ils demandent 10% en gros d'augmentation quand monsieur le PDG de Total, par exemple, s'est augmenté environ de 50% en un an, et quand Total ou les groupes pétroliers font des bénéfices qui vont encore doubler cette année et dont ce qui double en plus, c'est la part redistribuée aux dividendes. Donc c'est insupportable. C'est insupportable parce que nous, on le paye au prix de la pompe. Nous payons ces bénéfices. Voilà, faut que les usagers, les personnes qui aujourd'hui essaient de trouver de l'essence le sachent. Et les salariés le payent parce que c'est sur leur salaire que se fait aussi ces bénéfices. Et comment on peut siffler la fin de la grève, pour reprendre le terme que vous étudiez? Il faudrait que le gouvernement mette une grosse pression sur Total pour les obliger à céder sur les revendications. Bien sûr, au lieu d'appeler aux réquisitions, il faudrait que le gouvernement aille jusqu'au bout de la logique, puisqu'ils disent eux-mêmes... Jusqu'au bout, c'est dire céder, donner les 10% d'augmentation. Écoutez, 10%, c'est rien par rapport à deux fois plus de bénéfices et de dividendes. Parce que là, c'est pas une augmentation de 10%, c'est des augmentations du double qui, à la fin, produisent, par exemple, pour Total, des bénéfices qui vont certainement être environ de 20 milliards cette année. Enfin, mais c'est au gouvernement, c'est au gouvernement, c'est au président de la République de se mêler de ça, de se mêler de négociations salariales. Le gouvernement s'en mêle, puisqu'il appelle à des réquisitions, il appelle à réquisitionner les salariés. Donc il s'en mêle, mais il s'en mêle du côté de Total et des raffineurs. Donc il faudrait peut-être qu'il s'en mêle du côté des salariés. Et ça serait plus efficace. Parce que je remarque une chose, c'est que si on parle de tout ça, c'est parce qu'ils se sont mis en grève et qu'ils ont occupé les raffineries. Sinon, on n'en parlerait pas. Sinon, il n'y aurait pas d'augmentation de salaire à l'horizon. Donc on en parle parce qu'ils ont fait ça. Voilà. Donc c'est eux qui sont efficaces. Si le gouvernement est en phase avec ce qu'il disait il y a quelques mois, comme quoi il faut augmenter les salaires, j'ai pas arrêté de les entendre dire ça, eh bien, ils doivent, donner enfin, nous, c'est ce qu'on ferait, en tout cas. Voilà, on s'adresserait à Total, on s'adresserait aux raffineurs, on leur dirait, nous soutenons ces salariés, ils ont raison, il faut que vous cédiez à leurs revendications. Voilà, et je pense que c'est malheureusement, à mon avis, c'est pas la logique qu'ils sont en train de prendre. Mais je vais vous dire une chose, je pense qu'ils vont gagner, les salariés. D'abord parce qu'il y a des appels maintenant à la grève interprofessionnelle de la CGT. De la CGT, notamment. Depuis que Mme Borne a appelé à la réquisition, il y a de plus en plus de raffineries occupées, Force ouvrière vient de rejoindre la CGT, donc c'est plutôt en train de s'élargir et prendre. Et j'ai vu quand même que malgré tout le battage fait par le gouvernement, aujourd'hui, plus de la moitié des personnes interrogées, c'est 42% si j'ai bien compris, soutiennent ce mouvement alors même qu'on leur explique sans arrêt qu'ils subissent ce que font les grévistes. Ils ont compris, la plupart des Français ont compris, que quand ils payent le prix du carburant plus cher et quand les salariés ne sont pas suffisamment payés, c'est la même cause. Bon, et Bruno Le Maire, à l'instant sur RTL, dit qu'il est évident que Total doit augmenter ses salaires. C'est un bon message délivré par le ministre. Voilà, c'est le message qu'il faut employer, mais je crains que dans le même temps, Bruno Le Maire n'explique aussi qu'il faille que la grève et les occupations s'arrêtent. Donc c'est ça qui est paradoxal dans le discours du gouvernement. Vous soutenez l'appel à la grève générale, ça on est d'accord. Qu'est-ce que vous dites juste, Éric Coquerel, aux Français qui font la queue pendant des heures pour faire de l'essence, avec parfois des bagarres aussi maintenant, bien aux sûr. Stations essence, à ceux qui ne peuvent vous plus savez, aller travailler. C'est pas seulement les Français, je les subis. Oui, oui. Je le vois bien. Non, mais à ceux qui ne peuvent plus aller travailler faute de carburant, aux écoliers qui n'ont plus de transport scolaire, qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Je leur dis que c'est les mêmes responsables contre lesquels se mobilisent aujourd'hui les salariés des raffineries et qui aujourd'hui font en sorte que leur vie soit plus difficile. On sait très bien d'où vient l'augmentation du carburant au départ. L'augmentation du carburant, elle vient à la fois de la spéculation des pays producteurs et des marges bénéficiaires faites par des raffineurs et tous ceux qui distributeurs et autres. Voilà, c'est ça. Donc ça vient parce que je vous ferai remarquer que tout ça ne vient pas après une période où les prix du carburant n'ont pas flambé. Au contraire, ils ont flambé. Donc maintenant, dans cette situation-là, ce n'est pas normal. Et les Français, d'ailleurs, c'est bien pour ça que vous allez voir, on en parlera tout à l'heure dans ce projet de loi de finances, il va y avoir des taxes sur les super profits qui vont passer. Les Français, je crois, comprennent très bien que, certes, ils subissent cette situation, mais c'est la faute des mêmes, c'est-à-dire ceux qui, j'allais dire, spéculent sur le prix du carburant et exploitent en plus leurs salariés. Voilà, ça fait beaucoup de choses, quand même. Ouais, et on en parle tout de suite. En même temps, il y a depuis un petit moment, vous avez Total qui ajoute une ristourne supplémentaire de 20 centimes par rapport à l'aide d'État. Est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose qui a augmenté les difficultés? Et puis, à l'arrivée, si Total, à force de rajouter ces aides supplémentaires et augmente effectivement ses salariés, qu'est-ce qui va rester? Vous êtes gentil pour eux, vous inquiétez pas, c'est 500 millions d'euros. C'est bon, ils vont. Non, mais attendez, c'est 500 millions d'euros. C'est pas du tout les mêmes échelles, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est 500 millions d'euros par rapport à des dizaines de milliards. 500 millions d'euros, c'est quoi? C'est les 20 centimes supplémentaires? 500 millions, c'est le coût des 20 centimes, mais. Pas plus, c'est 500 millions. Ouais, c'est ça. Une mission flash, vous savez, qui a été faite par ma commission sur les super profits des entreprises pétrolières. Et le PDG d'Esso est venu témoigner en disant que ça a été un excellent coup de communication pour Total et une affaire, parce qu'au final, les gens sont venus chez Total et ils ont encore plus, ils ont fait en sorte que les chiffres d'affaires de Total, les bénéfices de Total augmentent. Donc, bon, voilà, le gouvernement a présenté ça comme un effort de Total. Je pense que c'est un coup de com', c'est une bonne affaire pour eux et ça n'équivaut pas à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la nécessité d'aller taxer les super profits. Bon, là, leur image a un peu évolué dans l'autre sens, là, depuis les blocages. C'est-à-dire mal, vous voulez dire? Les raisons. Le spectacle qui est donné ou le résultat est quand même pas super positif. Non, ça je pense que c'est pas positif. Mais quand le PDG de Total, je l'ai dit tout à l'heure, enfin quand même se rendons compte que le PDG de Total gagne 6 millions d'euros, presque 6 millions d'euros par an, il s'est augmenté de 52%. Comment vous pouvez justifier, à partir de là, que vous n'augmentez pas vos salariés de 10%? Enfin, c'est quelque chose d'insupportable. Alors, il y a augmenté les salariés, mais est-ce qu'il faut aussi poursuivre les aides? Comment vous pouvez justifier dans le même moment que l'État ne doit pas prendre, c'est-à-dire l'intérêt général, une partie de vos super profits pour servir, par exemple, à la transition écologique ou à la justice sociale? Et justement, on va en parler, puisque le gouvernement a finalement inscrit dans le projet de loi de finances la contribution exceptionnelle de solidarité pour les entreprises de l'énergie qui réalisent des bénéfices exceptionnels. Ça, c'est une bonne chose, vous la voterez? Ah, c'est un premier pas positif, mais il a fallu pousser, hein. Je vous rappelle, parce que là encore, Bruno Le Maire, il y a quelques temps de ça, c'était en juillet, je me rappelle, disait il n'y aura pas, nous n'augmenterons pas les impôts, donc y compris sur les super profits. Donc ils ont fini par y aller. Pourquoi? D'abord parce que tous les pays européens finissent par y aller, même le FMI le recommande, et puis il y a une opposition comme nous, la NUPES, qui poussons à cela. Donc ils ont fini par mettre ça, mais là c'est un premier pas, mais qui coûte pas grand-chose. C'est 200 millions d'euros que ça va à peu près rapporter. Pourquoi? Parce que, notamment, une entreprise comme Total, figurez-vous, fait l'exploit de ne payer zéro impôt sur les sociétés en France, alors qu'elle fait des milliards de bénéfices. Donc il faut quelque chose de complémentaire par rapport à cette mesure qu'on votera, mais quelque chose de complémentaire. Et ça a commencé hier, parce que notamment sur proposition du Modem, vous voyez, ça s'élargit, a été voté un premier amendement qui taxe les dividendes, c'est-à-dire pas les surprofits, mais les surdividendes. Je pense que c'est bien ciblé, il va y en avoir d'autres, et je pense que le gouvernement ne pourra pas longtemps résister à protéger les superprofits, il devra céder. Ouais, l'amendement du Modem qui a été voté avec l'apport de voix de Renaissance aussi, hein, il y a une vingtaine de députés Renaissance. Ça vous a surpris? Pas vraiment, parce que si vous regardez bien, ce sont les mêmes députés de Renaissance qui avaient proposé un amendement sur les super-profits lors du projet de loi de finances rectificative. Horizon s'est abstenu aussi. Ce qui montre bien une chose, c'est que ce gouvernement, il est de plus en plus minoritaire. Et que, manifestement, la menace du 49-3, elle n'est pas seulement par rapport à ses oppositions, elle devient même par rapport à une partie, entre guillemets, on peut même plus parler de majorité, on va dire de minorité qu'il soutient. Donc voilà, c'est ça que ça révèle, c'est que ce gouvernement... Ce qu'il propose, met sur la table, est de plus en plus minoritaire à l'Assemblée, parce qu'en réalité, c'est de plus en plus minoritaire dans le pays. Oui, justement, on va parler du 49-3, hein, Stéphane, puisque sans grande surprise, Olivier Véran a annoncé que le Conseil des ministres avait délibéré là-dessus. Oui, alors ça veut dire qu'il y aura probablement ou très probablement un recours au 49-3. La question, c'est à quel moment, à votre avis, quand est-ce que le gouvernement va dégainer le 49-3 ? Hier, on a reposé la question à Bruno Le Maire, qui était à côté de moi sur le banc de l'Assemblée. Il a dit qu'on va laisser faire le débat. On ne craint pas aujourd'hui, on ne craint pas demain. Bon, comme il n'a pas été plus loin, je pense qu'on peut le craindre au début de la semaine prochaine. Moi, je continue à dire. Début de semaine prochaine, vous pensez, lundi, mardi? Bah oui, le débat s'arrête mercredi, donc qu'il l'utilise avant. Moi, je continue à dire au gouvernement qu'il ne doit pas utiliser le 49-3. Je sais qu'il a le droit institutionnellement, mais politiquement, ça serait non seulement. Une faute, c'est une faute démocratique, mais en plus c'est une erreur pour lui. Voilà. Il devrait enfin admettre une chose, c'est qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée. C'est ça qu'ils ont dû... C'est ça qu'Emmanuel Macron... Ouais, alors, on va parler du fond, mais hier, Olivier Véran, vous l'avez sans doute entendu à la sortie du Conseil des ministres, il dit qu'on l'utilisera qu'en cas de situation de blocage ou de posture de l'opposition. De quoi ? De posture de l'opposition. Enfin, ce qu'ils appellent posture, c'est le fait que l'opposition s'oppose. Excusez-moi, mais on est en démocratie quand même. Il n'y a pas de blocage. Je le dis pour que les choses soient claires. Regardez les débats, la façon dont ils se passent. C'est des débats argumentés. Il y a un nombre d'amendements raisonnables. C'est pas 3500, c'est ouais, ça, puis en plus, c'est beaucoup quand même. Mais un tiers viennent des Républicains, et parce que les Républicains ont une méthode où ils déclinent chaque amendement quasiment par chaque député. Il y en a plein qui sont abandonnés. Donc franchement, il n'y a pas de blocage de ce type. Voilà, il y a des débats argumentés. En fait, le gouvernement, pourquoi il met le 49-3, c'est parce que c'est une façon de dire je peux perdre amendement par amendement, et vous allez voir qu'il va en perdre encore beaucoup aujourd'hui, mais à la fin je vais rétablir mon budget. C'est une espèce d'assurance, j'allais dire comment est-ce que le gouvernement peut rétablir son budget à la fin s'il perd beaucoup d'amendements? Il peut le décider. Il peut décider les deux. Il peut décider. On lui pose la question depuis hier. D'ailleurs, j'en profite. Je lui repose la question aujourd'hui. Je pose la question à Bruno Le Maire. Je vais voir tout à l'heure. Ils ne nous répondent pas. On leur dit, est-ce que si vous faites le 49-3, est-ce que vous allez garder les amendements qui sont aujourd'hui majoritaires et largement majoritaires? Il ne répond pas. Je crains qu'il ne le fasse pas. Pourquoi? Alors, Aurore Berger, sur notre antenne, elle a dit oui. Elle a dit, ça ne nous empêchera pas de garder des amendements, voire des amendements qui n'ont pas été débattus. On va voir. Lesquels il faudrait garder en priorité? Oui, moi, je n'ai pas entendu l'exécutif dire oui. Moi, je pense qu'il serait normal que tous les amendements qui ont été majoritaires soient conservés. C'est la souveränété de l'Assemblée. Il y a quelques-uns qui peuvent poser problème. Par exemple, celui d'hier qui a été voté sur la taxation des dividendes, il faut le garder. Par exemple, hier, vous avez rejeté, quand je dis vous, c'est les oppositions, hein, les députés ont rejeté l'article qui contient l'objectif de contenir le déficit public à 5% pour 2023. Non, mais il ne dit pas que ça, cet article. Non, mais est-ce que vous comprenez que le gouvernement dise, c'est quand même, pour eux, c'est un pilier du budget, c'est compliqué de voter un budget où il n'y a pas le déficit n'est pas contenu. S'ils voulaient chercher... Peut-être pas une majorité, mais au moins, par exemple, une abstention parmi une de ces oppositions. On sait qu'on ne s'oppose pas pour les mêmes raisons. En gros, les Républicains disent « ça dépense trop », et nous, on dit « il n'y a pas assez d'investissement, il y a trop de cadeaux aux entreprises sans contrepartie, etc. » Donc, on ne dit pas tout à fait la même chose. Mais ils pourraient au moins se dire de qui ils se sentent le plus proche, de qui son budget se sent le plus proche. Et à partir de là, faire les changements nécessaires. Pas des changements, j'allais dire, homéopathiques qu'il fait de manière contrainte. Il pourrait anticiper, je ne suis pas majoritaire, donc à partir de là, comment je vais chercher, si ce n'est une majorité, au moins une abstention? Il ne le fait pas. Il reste... Il y a eu les dialogues de Bercy. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, ça a servi à rien. Bercy. Écoutez, là, je le constate. C'est-à-dire que, y compris l'amendement hier, il a été obligé de l'adopter, il n'a pas proposé lui-même. Il nous avait dit, je vous donne un exemple, il nous dit au dialogue de Bercy... Il y a trop de niches fiscales. C'est vrai que c'est insupportable. Vous avez raison. Nous, on le dénonce depuis longtemps. Il y a des niches fiscales qui servent à rien. En plus, si on peut le... OK? On arrive au niveau de la proposition de loi. On a un article qui propose 6 minuscules niches fiscales qui servent quasiment plus à rien, disparues, et rien d'autre. Alors, on dit, par exemple, le crédit impôt recherche qui coûte quand même 6 milliards. On pourrait le réformer. OK, on le supprime pas si vous voulez, mais on le réforme. Par exemple, les entreprises qui touchent du crédit impôt recherche tout en licenciant des chercheurs, c'est quand même anormal, c'est fait pour la recherche. Faites quelque chose. ils ne bougent pas d'un iota. En réalité, ils sont toujours partis sur l'idée, comme lorsqu'ils étaient largement majoritaires, qu'ils ont un projet, que ce projet doit peu bouger. Eh ben non, ils se trompent. S'ils veulent tenir dans le temps, s'ils veulent faire en sorte que de continuer à gouverner ce pays, ils doivent remodeler profondément leur budget, pas de manière homéopathique. Et c'est pas ce qu'ils veulent faire, donc ils vont dans le mur, parce que même s'ils utilisent le 49.3, ce n'est que reculer pour mieux sauter, parce qu'à un moment donné, la réalité des prix, ça va finir par s'afficher, et vous verrez qu'ils seront de plus en plus dans une difficulté. Donc même ce matin, vous leur dites, alors qu'Olivier Véran a annoncé que le Conseil des ministres avait délibéré, vous leur dites renoncer au 49.3, oui, il est encore temps. Oui, mais j'allais dire presque pour leur intérêt. Vous voyez, je suis gentil avec eux, presque pour leur intérêt. Parce que sinon, le 49.3 n'annonce que c'est un coup de force, mais qui est un aveu de faiblesse. Voilà. Un mot là-dessus, parce qu'il y a un sujet qui inquiète beaucoup les élus locaux et les collectivités, c'est la hausse des prix de l'énergie. Est-ce que pour vous, il faut aller jusqu'à indexer la dotation globale de fonctionnement jusqu'à l'inflation? Oui. Donc, il faut le faire. Et puis, il faut abandonner. Alors, ils sont minoritaires. Il faut le faire, mais pourquoi? Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce qu'on s'attend à avoir une très grosse inflation l'année prochaine. Parce que elle sera à deux chiffres. Parce que les collectivités locales qui ont fait beaucoup d'efforts pendant des années sur la question, justement, de maintenir les budgets, ils sont de façon obligés de le faire. Donc, ils ont fait l'effort. Ne peuvent pas pâtir de la situation. Et s'ils pâtissaient de la situation, ce seraient les citoyens, parce qu'ils redistribuent beaucoup à travers des investissements, etc. Or, le problème, c'est que si ça ne suit pas l'inflation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les investissements à terme qui seront touchés, et avec des conséquences fortes. Le fonds vert, par exemple, que le gouvernement vend, il faut bien comprendre une chose. Le fonds vert, le gouvernement dit, je mets 1,5 milliard sur la table pour au nom de l'écologie, pour les collectivités. Mais il ne peut s'activer que si les collectivités ont de l'argent au départ pour initier ce fonds vert. Si elles n'en ont pas, il n'y aura pas de fonds vert. Et malheureusement, je crois que ce qui est prévu aujourd'hui en matière budgétaire va les empêcher d'investir. Donc c'est une faute de plus. Il y a aussi un débat sur la CVE, la cotisation à valeur ajoutée des entreprises, que le gouvernement veut supprimer à horizon de 2 ans, en disant que ça sera dédommagé via une fraction de la TVA. Pour vous, c'est acceptable ce mécanisme? Non, c'est pas acceptable. Puis alors, bon, là, ça touche le fond du problème. Le gouvernement nous dit, continue à s'appuyer sur des chiffres qui n'ont pas de réalité. Il dit, on aura quand même 1% de croissance l'an prochain, qu'importe que toutes les institutions internationales... Ça, vous n'y croyez pas? Non, mais non. Et en plus, je vais vous dire pourquoi je pense que j'ai raison. C'est que cet été, au moment du programme de stabilité, le gouvernement tablait sur 1,5. Moi, je l'aurais dit, pas que moi, il y a le Haut Conseil des Finances Publiques, vous vous trompez, ça sera beaucoup plus faible. Il a été obligé de commencer à rectifier en disant il y aura 1% de croissance. Bon. Et maintenant, les institutions internationales disent s'il y a 0,4, vous avez de la chance, et c'est plutôt la récession. Mais ça a des conséquences fortes. Parce que si c'est la récession et que vous baissez les dépenses publiques... Vous indexez encore, les recettes sur la TVA. Eh bien, à un moment donné, vous allez augmenter la récession. N'importe quel économiste le sait. Et en baissant les impôts, la CVAE, il perd 4 milliards d'euros d'investissement, 4 milliards pour les dépenses publiques. Donc ce budget, d'un point de vue macroéconomique, est une erreur. Peut-être un mot sur les retraites. Elisabeth Borne reçoit les présidents de groupes parlementaires aujourd'hui. Quel message et quel compromis êtes-vous prêt à faire sur les retraites? Ah ben, c'est très simple. Il n'est pas question que l'âge de la retraite... recule, ni que les cotisations augmentent. Ça, c'est pas un compromis, Eric Coquerel. Le reste c'est négociable ou pas? C'est pas un compromis. Voilà, c'est les bases. Eux, c'est ce qu'ils veulent fixer comme base. On pense que c'est ni le moment. Alors là, vraiment pas le moment dans la période qui va arriver de récession et de risque de crise économique. Et en plus, c'est une erreur. Bon, ils veulent le mettre. Vous nous permettrez de penser que on ne doit pas toucher à ça. C'est pas un problème de. Mais c'est eux qui veulent pas de compromis. Madame Borne, a priori. Hein. Et j'ai cru comprendre. D'ailleurs, je suis un peu inquiet parce que j'ai vu qu'Emmanuel Macron avait quasiment convoqué par la presse, non seulement les responsables des groupes majoritaires de plus en plus entre guillemets, mais aussi les partis d'opposition pour le voir, je sais pas, et pour discuter des retraites et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. J'espère qu'il n'a pas l'idée saugrenue de réintroduire cette question. Voilà, je le pose aujourd'hui parce que j'ai vu que les deux étaient liés. On va attendre ce qui se passe. J'espère que le PLFSS, très franchement, j'espère. Parce que là, ça serait une déclaration de guerre au monde du salariat. Et là encore, je pense qu'il irait dans un mur, tout comme d'ailleurs, à mon avis, il allait en janvier. Moi, je crois que sur les retraites, ça passera pas. Ça se terminera aussi par un 49.3. Oui, mais 49.3, ça va se terminer par une notion de censure, il le sait. Et ça va se terminer par le fait que la mobilisation sociale dans le pays, je peux vous assurer qu'à mon avis, là, si j'ai une certitude, c'est qu'il va y avoir une mobilisation très forte sur la question des retraites. La mobilisation peut-être, mais la motion de censure, les Républicains ne la voteront pas. Sur les retraites, on verra bien. Vous pensez bien que c'est possible? On verra bien. C'est mais pas forcément leur intérêt. Non, mais il faut... Pourtant, les Républicains ne sont pas opposés à un report de l'âge légal des parlements. Oui, d'accord, mais ils disent que la méthode ne va pas. D'accord. Et la motion de censure. Bon, moi, j'entends ce qu'ils disent, mais même, mettons ça de côté. Moi, je crois que le mouvement social, la mobilisation sociale, fera échec à ce projet, comme elle a fait échec au projet de la réforme par points, tout simplement parce que au moment où il faudrait redistribuer une part de la valeur ajoutée dans les salaires, ça revient à la discussion qu'on a eue au départ, c'est pas le moment de forcer les gens à travailler plus longtemps, toujours a priori au bénéfice justement de la marche de dimanche servira de test, vous bien sûr, marche du 16 octobre, bien sûr. Il y aura du monde ? Oui, vous allez voir, il y aura beaucoup de monde. Et combien ? Bon, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Après, moi, ça sera un succès. Et je le sais parce que ça remonte de plus en plus. Et puis en plus, c'est sur la question de la vie chère, sur la question de la plusieurs questions écologiques, sur la question des retraites, autant de thèmes sur lesquels les salariés commencent à mobiliser. Donc je pense qu'ils peuvent s'emparer de cette marche pour en faire un grand succès. Et puis il y en aura d'autres par la suite, vous le verrez. Mais le 16 octobre, 14h à Nation, vous verrez que la NUPES, des syndicalistes, des associations... j'allais dire, vont un peu augmenter le rapport de force vis-à-vis du gouvernement. Et le message est passé. Un dernier mot sur votre parti, Éric Coquerel, et Jean-Luc Mélenchon qui a réaffirmé à nouveau son soutien à Adrien Quatennens dimanche avec une phrase qui a fait réagir puisqu'il a parlé de gifles médiatiques qui étaient données à Adrien Quatennens matin, midi et soir. Marlène Schiappa, qui était à votre place en début de semaine, a dit qu'avec Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise s'enfonçait dans l'antiféminisme. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, écoutez, je pense qu'elle ferait mieux de regarder du côté de son camp et en général... Pour plein de raisons, ne serait-ce que parce que dans ces cas-là, c'est la seule chose qu'on retient de ce type d'entretien. Je ne fais pas de commentaires sur tout ça. Mais est-ce qu'il va un peu trop loin, Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'il ferait mieux d'arrêter de parler sur ce sujet ? Non, arrêtez, non. Jean-Luc Mélenchon, quiconque peut, j'allais dire, vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et de tout ce qu'il a mis sur la table sur la question égalité homme-femme depuis maintenant des mois, quiconque peut, je veux dire, l'attaquer là-dessus, bon, je trouve que vous me permettrez de dire que c'est un peu politicien et c'est un peu une façon, là encore, d'affaiblir ce que nous sommes et la menace que nous représentons pour le gouvernement. Moi, je crois que, vous savez, il y a une chose, c'est que dans le projet de loi de finances, nous proposons un amendement. Un milliard, plus d'un milliard, on a repris les revendications des associations pour lutter contre notamment les féminicides. Voilà, si des gens veulent montrer qu'ils sont au niveau, notamment la majorité, notamment Mme Schiappa, et bien qu'ils appellent leurs collègues à voter cet amendement. Il y a des questions aussi qui se posent en interne chez vous, hein, parce que François Ruffin, il alerte, il interroge votre stratégie, il dit qu'il en a marre de s'égosiller dans l'hémicycle, et il dit que ça sert à rien, ça renforce le Rassemblement national. Ouais, mais non, il n'y a pas de discussion en interne, on est... François Ruffin ne dit que ne traduit que ce qu'on dit tous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir adopter sur la forme notre tactique par rapport à nos objectifs. Par exemple, sur le budget, et on est plusieurs à l'avoir recommandé, c'est exactement ce qui se passe. On a intérêt au débat argumenté pour gagner le maximum d'amendements possibles, sans, j'allais dire, du tout affaiblir la radicalité de ce que nous proposons. Et c'est ce qui se passe. Et François Ruffin. Il le dit lui-même, d'ailleurs, il dit je m'adresse plutôt à moi, ce genre de recommandation, parce que c'est vrai que c'est un de ceux qui est en général les plus véhéments dans l'hémicycle, donc très bien, il se l'adresse à lui, mais c'est un avis global, il n'y a pas de débat là-dessus, on est tous d'accord, et puis vous verrez que si, par exemple, le gouvernement avait l'idée saugrenue quand même de présenter un projet de retraite, je pense que disons, ça serait plus frontal. Vous savez, aujourd'hui, dans l'hémicycle... Ça sera frontal ou ça ira jusqu'à l'obstruction ? Parce que Mathilde Panot l'a dit, on pourra déposer jusqu'à 75 000 amendements. Là, pour le coup, ça sera frontal pour faire en sorte que ce projet passe pas. Nous l'assumons. Et là, sur le budget, c'est un autre thème parce qu'on peut gagner beaucoup de choses. Et donc, nous sommes dans le débat argumenté. L'hémicycle aujourd'hui, c'est pour faire les malins sur Twitter. En réalité, les travaux en commission, ceux que vous présidez, par exemple, sont beaucoup plus constructifs, argumentés et beaucoup plus apaisés. On s'est vu il y a quelques jours, donc c'est ce que je vous expliquais. Mais là, si vous regardez bien, les débats dans l'hémicycle le sont aussi. Du côté de la majorité, où il y a des coups de chaud, parce qu'ils ont un peu du mal à comprendre qu'ils sont minoritaires et à l'admettre. Donc depuis hier, ils sont un peu véhéments. Mais bon, je pense qu'ils vont se calmer et finir par l'admettre. Merci Éric Coquerel. Merci. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrotte, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Les Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet réplique, c'est toujours en général pour

Hervé Baudouin, la métallurgie, c'est 50% des effectifs de l'industrie en Lorraine. Eh oui, 50% des effectifs de l'industrie en Lorraine. Eh oui, et le chômage. Le travail, le chômage. Le chômage, le travail. Réforme des lycées professionnels, forte mobilisation aux Chénois. C'était le 19-10-2022. Les professeurs du lycée Émile Gallet en grève le mercredi 19 octobre 2022. Ouais, il y a eu des lycées professionnels qui étaient en grève. Ouais, il y en a qui se sont bougés pour défendre leur avenir. L'avenir des élèves et puis l'avenir des enseignants. Eh oui, et l'avenir. Eh oui, faut se battre pour protéger l'avenir. Il faut être syndiqué. Il faut militer. Il faut réfléchir. Il faut se réunir. Il faut réagir. Et montrer aux autorités qu'on est là, qu'on existe. Qu'il faut qu'ils comptent avec nous. 107 000, comme le nombre de personnes qui ont manifesté mardi en France selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 300 000 selon la CGT. Hein? Oui. Ils étaient 13 000 selon le ministère. 70 000 pour l'organisation. Bon, voilà. Vous voyez, rien que la différence des chiffres, ça montre qu'on ne peut pas faire confiance du tout à certains. Eh oui, la presse, elle est à la botte. Hein? Ah oui, le chef du gouvernement, il dit aux journalistes, ici, debout, couché, debout, allez, on obéit. Voilà. Ah oui, la presse, elle est à la botte du pouvoir. On a vu un documentaire là sur Mussolini, il n'y a pas longtemps. Eh ben, c'est comme ça que ça marche, le fascisme. La droite, l'extrême droite, le centre droit, etc. Eh oui, ils donnent des ordres à la presse. Et la presse, elle obéit. Les lycées professionnels inquiets pour leur avenir. Ouais. Est-ce que c'est les lycées qui sont inquiets? Est-ce que ce sont les élèves? Est-ce que ce sont les parents d'élèves? Est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que ce sont les personnels administratifs qui sont inquiets pour l'avenir des lycées professionnels? Bon, ben on verra bien, hein? On verra bien. Oh oui. Comme disait l'autre, on ne remontera pas tant qu'on n'aura pas touché le fond de la piscine. Oui. Il faut toucher le fond de la piscine pour avoir le droit de remonter. Ah oui. Et de peut-être arriver un jour à la surface. Manifestation en Lorraine, ils étaient des milliers. L'appel à l'extérieur à manifester ce 18 octobre a été largement suivi dans toutes les villes de Lorraine. Voilà. Ça, c'est déjà un peu ancien, mais bon. C'est ça, comme ça, les journaux, hein, on tape dans le paquet, et puis on prend quelques titres. Il faut arrêter de détruire l'éducation nationale. Ouais, il faut arrêter de détruire l'éducation nationale. Ah. Si, comme pour tous les autres corps de métier, la revendication est avant tout salariale, plus 3,5% d'augmentation des salaires, la première depuis 2008, alors que l'inflation est actuellement de 8% et une perte de pouvoir d'achat estimée à 30% depuis 2000. Voilà. Non, mais c'est tout. Ben oui, mais les Français, ils ont voté, hein. Eh oui, ils ont voté pour Macron. Et pire que ça, ils ont voté pour Macron deux fois. Alors, ce qui leur arrive... Hein? Eh oui. Ce qui arrive aux Français, ben c'est parce qu'ils ont mal voté. Hein? Et ils ont mal voté parce qu'ils ont mal réfléchi. Ils n'ont pas suffisamment réfléchi. Parce qu'ils ont été influencés par les journaux, par les télés, qui sont possédés par les plus riches. Les plus riches du pays possèdent les radios, les télés, les journaux. Eh oui. Et donc, ils influencent le mental... Des électeurs, les Français rejettent-ils vraiment la valeur travail? Point d'interrogation. Non, ils ne rejettent pas la valeur travail, mais simplement, ils ne sont pas contents de la manière dont le travail est organisé. Budget de la Sécu, le 49-3 de nouveau dégainé. Voilà, bon, allez, passons, 49-3. Hein. Paris-Berlin, ça ne gaze plus. Ah, tiens. Un vieux couple en crise, dont les liens se distendent chaque jour un peu plus avec un partenaire aussi taciturne, est taiseux que l'autre est volubile et verbeux. Les 27 ont compris que l'Allemagne souhaitait faire cavalier seul et déplacer son centre de gravité vers l'Europe centrale, là où la Pologne et les pays baltes reprochent au tandem franco-allemand de s'être trop longtemps laissé berner par le Kremlin. À cet incident diplomatique, il faut rajouter le camouflet de Berlin qui a acheté des F-35 américains alors que le projet franco-allemand d'avions de chasse et de blindés lourds du futur peine à décoller. Tiens, on a l'impression que l'Europe franco-allemande, elle nous ramène quelques dizaines d'années en arrière. Hein ? Eh oui, le projet franco-allemand d'avions de chasse et de blindés lourds du futur peine à décoller, sans parler du bouclier antimissile, proposé par le chancelier à 14 États du Nord et de l'Est, au nez et à la barbe de Paris. Autre pomme de discorde, dans le couple moteur de l'Union européenne, le plan à 200 milliards de Scholz pour soutenir les familles et les entreprises passe très mal. Emmanuel Macron s'y est personnellement et publiquement opposé, mais Olaf Scholz n'en a cure. Comment s'étonner alors que les échanges entre Paris et Berlin sur les négociations des prix de l'énergie tournent à la passe d'armes quotidiennes ? Un cadeau idéal pour remonter le moral de Poutine dans une Russie passée maître dans l'empoisonnement des relations européennes. Oui, les relations entre la France et l'Allemagne. Mais dites, le 8 mai 45, c'est un traité d'armistice qui a été signé. Et depuis le traité de paix, il a été signé quand ? Est-ce qu'il y a eu un traité de paix entre les Alliés et l'Allemagne après 1945 ? Eh non, toujours pas. Donc, on a encore d'une certaine manière un peu en guerre contre l'Allemagne. Hein ? Oui, si on regarde les textes. Hein ? Si on se fie aux textes. Et le traité de paix, tiens, il faudrait demander à notre gouvernement et au gouvernement allemand s'ils ne pourraient pas négocier la signature d'un traité de paix. Ah oui, si on veut faire l'Europe, il faut que les Européens soient en paix. Ségolène Royal, la crise totale conduisant à l'insupportable pénurie de carburant, trouve son origine dans le refus du gouvernement de bloquer le prix de l'énergie et les marges spéculatives. D'où des profits scandaleux et leur distribution aux actionnaires, incompétence, inertie et idéologie. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Les politiciens de métier qui sont branchés directement sur les cabinets de conseil, d'outre-Atlantique, qui expliquent au gouvernement français, au gouvernement allemand et à d'autres comment ils doivent gouverner. Et oui, c'est pas les gouvernements qui gouvernent, et c'est les agences bancaires. La préfecture des Vosges tamponne le dossier de Nestlé Waters. Alors les Waters, c'est de l'eau quoi, mais c'est pas de l'eau. Quoi. Bon, là c'est de l'eau, hein. Bon, voilà, les Waters. Bon, vers une plus grande pauvreté dans le département. Si elle n'est pas encore trop prononcée dans le département, tous les indicateurs relatifs à une paupérisation de la population, incitent les observateurs à la plus grande vigilance. D'autant que l'inflation continue de grimper de semaine en semaine. Eh oui, on a de plus en plus de chômage, hein, 6 millions de chômeurs en France en 2022, eh oui, c'est beaucoup. Eh bien, c'est par rapport aux 60 et quelques millions d'habitants qu'il y a en France, ça fait 10% de la population, c'est-à-dire que ça fait nettement plus que la population, que 10% de la population active, parce qu'il faut retirer de la population totale les gens qui ont moins de 20 ans et les gens qui ont plus de 60 ans. Hein. Donc la population active, elle n'est pas si nombreuse que ça, donc les chômeurs sont très, très, très, très nombreux par rapport à la population. Donc nous avons 6 millions de chômeurs en France en 2022. Eh bien on a déjà connu ça, 6 millions de chômeurs. Oui. C'était en Allemagne, dans les années 30. Oui, 1932, première élection, résultat pas très bon. Le maréchal Hindenburg n'était pas content du résultat. Il a attendu quelques temps et puis il a refait des élections, pensant que inverser le résultat, hein, que les gens avaient réfléchi entre-temps et qu'ils allaient voter autrement. Eh bien non, ils n'ont pas voté autrement, ils ont voté pire encore. Ben oui, les électeurs allemands, consciemment ou inconsciemment, ou au moins en grande partie inconsciemment, trop influencés par les médias de l'époque, ben ils ont voté pour un certain Adolf Hitler et ils ont mis au pouvoir les nazis. Les nazis qui nous ont fait la Deuxième Guerre mondiale, avec ses 60 et quelques millions de morts, hein? Oui, voilà, voilà, voilà. L'électeur allemand, à cause du chômage, il a voté Hitler. Et les électeurs italiens, eh ben, ils ont voté aussi mal, c'est en dernier. Et puis les électeurs suédois, ils votent pas très bien non plus. Et puis les hongrois, etc. Il y a une sorte de fascisation de l'Europe, de nouveau. Oui, voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà, les électeurs moyens, ils votent de façon moyenne. Eh oui, QI moyen, vote moyen. Avec des résultats qui, eux, sont pas moyens du tout, hein. Eh oui. Ben oui, la Deuxième Guerre mondiale, ça a quand même été la pire catastrophe que l'humanité a jamais été capable de fabriquer. Hein. On est capable du pire maintenant encore, parce qu'on a plein de centrales nucléaires et plein de bombes atomiques. Et puis les électeurs ne sont pas plus intelligents qu'en 1933. Voilà.